Chapitre 3. Mariupol, la mer d'Azov. Arrivée à Taganrog. Souvenir de l'empereur Alexandre. Un bal chez le général Kersanov. Aventure d'un philhellène. Course de chevaux. Départ. Notre arrivée à Mariupol nous rappela désagréablement que nous n'étions plus dans les colonies allemandes. Une chambre de poste sale, le manque de chevaux, l'impossibilité de trouver du pain, même de l'eau douce, des employés grossiers, tout enfin formait un triste contraste avec le bien-être et les facilités auxquelles nous avait habitués notre course à travers les riches villages des Mennonites. Mariupol est un grand et sale village situé à l'embouchure du Kalmius, dans la mer d'Azov. Son port n'a qu'une douane de sortie. C'est du reste une méchante rade, peu profonde, où les navires ne sont à l'abri que du seul vent d'ouest. Sauf un brick solitaire dont les voiles séchaient au soleil, les embarcations qu'il renfermait lors de notre passage se composaient uniquement de petits bâtiments de cabotage. Toutefois, son exportation est assez considérable et s'élève annuellement au chiffre de 4 à 5 millions. Après une attente de plusieurs heures, nous obtîmes enfin des chevaux qui nous conduisirent rapidement à l'autre poste. Mais là, de nouvelles difficultés devaient encore entraver notre marche. L'écrivain se mit en tête de nous rançonner et ne trouva pas de meilleur moyen que de nous refuser ses bêtes. Ordre, menace, injure, rien ne put troubler son flegme et, pour comble d'embarras, notre Cosaque, atteint d'une fièvre violente, était resté à Mariupol pour se faire soigner. S'il eût été avec nous, l'écrivain se fût conduit tout autrement, car les coups de bâton ne lui auraient certes pas manqué. Une telle façon de se faire servir, répugnant trop à nos habitudes, nous préférâmes recourir à l'autorisation dont nous nous étions munis par surcroît de précaution, celle de prendre des chevaux chez tous les paysans. Antoine partit donc pour le prochain village, sans s'occuper davantage de la poste. Ceci donna gros à penser à l'écrivain, qui perdait tout son calme à mesure que nous reprenions le nôtre. À chaque instant, des troupes de chevaux rentraient des pâturages, et sa situation commençait à devenir passablement embarrassante. Mais je renonce à peindre le regard de consternation avec lequel il accueillit le retour d'Antoine, qui ramenait triomphalement trois robustes chevaux et un cocher par-dessus le marché. Quand le misérable juif ne put douter que cet attelage fût pour nous, il se jeta à nos pieds, frappa sa tête contre terre, fit tant de bassesse, en un mot, que nous finîmes, autant par dégoût que par fatigue, par lui promettre de ne porter aucune plainte contre lui. 5 heures après, nous arrivâmes à Taganrog, situé sur le golfe du même nom, à l'extrémité septentrionale de la mer d'Azov, ville fondée par Pierre le Grand en 1706 après la prise d'Azov et qui fut démolie en vertu du traité du Prut. On la rebâtit en 1769 à la suite d'une nouvelle guerre et, pour lui donner plus d'importance, Catherine II fit alors fortifier la place et creuser un port entouré d'un môle dont les restes à fleur d'eau existent encore aujourd'hui. Les eaux de la rade de Taganrog sont tellement basses que les navires doivent se tenir au large à quelques verstes de la côte, ce qui rend le chargement des denrées commerciales assez original. Des voitures surmontées d'un plancher portant les céréales font le premier trajet, s'avançant par fil souvent jusqu'à une demi-lieue en mer. Là, le transbordement a lieu sur de grandes barques qui ont presque toujours besoin d'un troisième auxiliaire pour transporter définitivement les produits à bord des navires d'exportation. En approchant de Taganrog, nous crûmes arriver à Odessa. Sa position sur la mer d'Azov, la configuration du sol au milieu duquel elle s'élève, ses églises, sa grande étendue et jusqu'à la forteresse qui la domine, tout conspire à rendre l'illusion frappante. cette ville mérite à plus d'un titre de fixer l'attention du voyageur. Deux empereurs, Pierre le Grand et Alexandre, ont attaché à son nom une célébrité qui ne s'effacera jamais. Ainsi que Pierre le Grand l'avait prévu, Taganrog s'est accru rapidement depuis un demi-siècle, étant devenue l'une des villes les plus commerçantes de la Russie méridionale. Son commerce a cependant considérablement diminué depuis la suppression du lazaret et de la fermeture de la mer d'Azov au moyen d'une quarantaine de 50 jours établie à Kertch. La ville compte aujourd'hui près de 16 000 habitants. Le passage de Pierre le Grand est consacré à Taganrog par un bois de chêne qu'il a planté lui-même. Ce souvenir d'un grand prince vaut certainement mieux qu'un monument fastueux. Il est plus durable et plus philanthropique, surtout dans une contrée dégarnie de forêts. Le nom du régénérateur de la Russie vivra éternellement dans ce pays parce qu'il se mêle à une impression de bien-être que chacun est à même de ressentir. C'est à Taganrog que mourut, loin de sa cour et des splendeurs de Saint-Pétersbourg, l'empereur Alexandre. En visitant la modeste maison qui lui servit de dernière demeure, tous les événements de la grande époque, dont il fut un des plus brillants acteurs, nous revenaient en foule à la mémoire. Que de dates, que de personnages, que de choses déjà oubliées, ce nom évoqué dans notre esprit, comme une fantasmagorie ou des ombres passées à tour de rôle avec des simulacres d'existence. Ombre belle, illustre, charmante s'il en fut. Napoléon, la paix de Tilsit, le duc de Vicence, Madame de Krudener, la belle Haine, 1815, jetait sur cette maison un reflet de gloire, de poésie, de passion et de désastre qui la rendait à nos yeux mille fois plus imposante qu'un palais de marbre et d'or. La belle et gracieuse figure d'Alexandre dominait tous ses souvenirs. Dans son cabinet de travail, moins orné que celui d'un homme d'affaires, dans son salon, dans sa chambre à coucher, dont on a fait une chapelle ardente, dans ses portraits et surtout dans les souvenirs du vieil officier qui nous servait de cicérone, nous le retrouvions sans cesse. Tantôt brillant et animé, sous son bel uniforme des gardes, tantôt simple et charmant, dans l'intimité de famille, puis voilé d'un drap mortuaire, et enfin ressuscité par le respect et l'amour dont sa mémoire est entourée. Par un soin religieux, rien n'a été changé dans la maison. Une dizaine de chambres, donnant les unes dans les autres, et meublées de la manière la plus simple, voilà où furent logés pendant plus de 3 mois, leur majesté, avec une suite peu nombreuse. L'impératrice Élisabeth ne possédait pour elle et ses filles d'honneur que 3 ou 4 pièces assez petites et mal éclairées. Alexandre avait une grande prédilection pour Taganrog, et l'on va jusqu'à dire que son projet était d'abdiquer et de choisir cette ville pour résidence. Le sort s'est chargé en partie de réaliser son désir, en arrêtant là le cours de cette carrière qui avait rempli l'Europe de son éclat. Là, il abdiqua, non la couronne, mais la vie, la jeunesse, le bonheur, l'amour. Ainsi se perdent, au milieu des sables, ces grands fleuves dont on croirait le cours éternel en voyant leurs eaux se répandre avec tant d'orgueil et d'abondance au milieu des prairies qu'elles fertilisent. Séduit par leur beauté, on suit leur marche triomphale, on s'attache à leur bord avec autant d'admiration que de sécurité. Mais bientôt le fleuve entier s'évanouit dans le désert, sans laisser d'autres traces de sa présence qu'un peu de limon et quelques gouttes d'eau que le soleil fait rapidement disparaître. Il y avait foire à Taganrog à notre arrivée, une chaleur suffocante, d'affreux tourbillons de poussière, un encombrement dans tous les hôtels nous avait d'abord prévenu contre cette ville. Mais le spectacle des curiosités de la foire nous consola promptement du désagrément d'être mal logés. En Russie, ces fêtes mercantiles ont encore conservé une importance qu'elles n'ont plus dans nos pays mieux civilisés. Chaque ville a la sienne, plus ou moins fréquentée. Celle de Nijni Novgorod, réputée depuis longtemps pour la plus grande du continent européen, voit tous les peuples de l'Asie et de l'Europe lui envoyer des représentants. Après elle, la foire de Kharkov est en grande réputation parmi les négociants pour ses riches fourrures. Ces foires durent souvent plus d'un mois et sont attendues avec impatience par toute la noblesse campagnarde qui va sans façon y respirer un parfum de grande ville. Des bals, des spectacles, des emplettes, de la musique, des courses de chevaux, que de plaisir en peu de jours. Aussi, chacun se met-il à en jouir avec une fougue presque fiévreuse. Tout est interrompu, affaires, études, procès, voyages. Aujourd'hui la foire, demain les autres intérêts de la vie. À Taganrog, d'immenses bazars construits à quelque distance de la ville sont remplis de toutes les marchandises de l'Orient, étalées dans des allées couvertes où le beau monde se réunit le soir. C'est vraiment un singulier coup d'œil que celui de ce labyrinthe d'étoffes, de babouches, de fourrures, de chapeaux et de bonnets de Paris, des châles de Cachemire et mille autres objets dont le détail serait trop long. Tout est très bien disposé, tout flatte la vue par un mélange de couleurs et de formes aussi pittoresques que bizarres. L'Europe et l'Asie sont en présence et luttent de coquetterie pour séduire les acheteurs. Malgré l'élégance des modes françaises, il faut avouer que nos petits chapeaux et nos mantilles étriquées font une triste figure à côté des mousselines tissées d'or et d'argent, des riches thermalamas et des fourrures qui garnissent les boutiques du pays. Cependant, tous les regards, tous les désirs, toutes les bourses se tournent du côté des produits français. Quelques rubans fanés, quelques chapeaux de pacotille attirent plus de jolies acheteuses que tout ce que l'Asie a de plus magnifique. Pendant notre séjour à Taganrog, nous fûmes invités à un bal chez le général Kersanov, beau-fils du célèbre Hetman Platov. Ce général possède un fort bel hôtel et vit en véritable prince au milieu de la société mêlée d'une cité commerciale. Tous les appartements de sa résidence, revêtus de stuc, sont décorés avec autant de goût que de magnificence. Des glaces de plus de 3 mètres de hauteur forment les croisées. Les meubles, les lustres, les plafonds, les tableaux annoncent un luxe de bon ton, bien fait pour étonner de la part d'un cosaque. L'hôtel est précédé d'un beau jardin qu'on avait illuminé à Giorno pour la fête. Toute la façade du palais resplendissait de lumière. C'était un coup d'œil magique, surtout par cette belle nuit d'été dont la transparence pouvait le disputer à celle des nuits les plus limpides du midi. En entrant dans le premier salon, nous trouvâmes le général qui s'empressa de nous présenter à ses deux femmes. « Mais, dira-t-on, la bigamie est-elle donc autorisée par les mœurs cosaques ?»« Non, pas tout à fait. Mais si les lois, l'opinion sont contre elles, un homme haut placé peut facilement se soustraire aux lois et à l'opinion. Et le général Kersanov vit depuis plusieurs années en état de bigamie, sans aucun mystère et sans que ces salons soient moins fréquentés pour si peu. En Russie, la richesse couvre tout de son voile brillant. Elle permet toutes les excentricités, même celles qui sont le plus en opposition avec les mœurs, pourvu qu'elles s'entourent de bals et de fêtes. L'opinion, telle qu'elle existe ailleurs, est complètement inconnue ici. On laisse les scrupules de conscience aux esprits timorés, sans en vouloir même reconnaître le mérite. Un homme esclave de sa parole et une femme de sa réputation ne sauraient être compris dans un pays où le caprice règne en souverain absolu. Une dame russe, à qui je faisais quelques observations à ce sujet, me répondit naïvement que les petites gens peuvent seules être atteintes par le scandale, vu que le blâme ne saurait venir que d'en haut. Elle avait parfaitement raison, car dans la sphère où se trouve placée la noblesse, Qui oserait se permettre de la critiquer et de condamner ses travers? Pour que l'opinion existe, il faut une classe indépendante qui puisse exprimer ses jugements sans avoir à craindre la vengeance de ceux qu'elle fait comparaître à sa barre. Il faut un pays libre où les actions de chacun puissent être appréciées avec impartialité. Il faut, enfin, que les mots de justice, d'honneur, de probité, de délicatesse aient une valeur réelle, au lieu d'être le jouet d'une caste élégante et corrompue, se faisant un système de railler tout ce qui ne sert pas à ses caprices et à ses passions. Les dames Kersanov, malgré leur opulence et la société qui remplit leur salon, ont conservé tant dans leur manière que dans leur costume une simplicité qui contraste curieusement avec leur entourage. Un air embarrassé, des traits vulgaires, un costume maussade, nulle dignité ni dans le maintien ni dans la conversation, forment un contraste singulier avec leur rang. La plus jeune avait une robe en soie de couleur sombre, à taille courte et à manches plates, tellement étroite qu'on pouvait la prendre pour un sac. Un mouchoir de soie recouvrait ses épaules et une partie du cou. Un petit bonnet, dont la forme rappela le respectable casque de nos cuisinières, lui servait de coiffure. L'ensemble en était mesquin, désavantageux, sans caractère. Excepté quelques gros brillants scintillant à sa ceinture et à son bonnet, rien n'annonçait le luxe asiatique que beaucoup de femmes de ce pays ont encore conservé. On prétend que les deux épouses, ab indivis, vivent dans la meilleure intelligence du monde. Le général paraît fort à l'aise vis-à-vis d'elles et va de l'une à l'autre avec le même empressement et la même affection. Sa première femme est vieille et pourrait être prise pour la mère de l'autre. On nous assura que, désolée de n'avoir point d'enfant, elle conseilla elle-même à son mari de faire un nouveau choix. Cette abnégation a quelque chose de naïf et de touchant qu'on ne trouverait certes pas chez les femmes civilisées. Fort de l'approbation de sa vieille épouse, le général arrêta donc ses vues sur une jeune paysanne fort jolie qui habitait sa propriété. Pour combler en quelque sorte l'immense distance qui la séparait de lui, il la maria à l'un de ses officiers qui, à la sortie de l'église, reçut l'ordre de partir sur le champ pour une mission lointaine dont il n'est jamais revenu. Quelque temps après, la jeune femme fut installée dans le brillant hôtel du général et présentée à toute la société sous le nom de Madame Kersanov. Deux charmantes filles sont le fruit de cette union anti-orthodoxe. Revêtues du séraphine de soie bleue, elles dansèrent la russe et la cosaque avec infiniment de charme et nous séduisirent complètement pendant toute la durée du bal. La danse russe, ravissante de simplicité et de poésie, diffère entièrement de toutes les autres danses nationales. Elle consiste moins dans les pas que dans une pantomime rêveuse, ingénue, où le calme et la gravité du Nord sont animés par des poses d'une grâce inimitable. Moins passionnée que la danse espagnole, la russe porte dans tous les sens une douce langueur dont il est difficile de se défendre. Nous eûmes la bonne fortune de rencontrer à Taganrog un Français qui, par sa destinée aventureuse, pourrait fournir bon nombre de pages à Alexandre Dumas, car la nature l'a taillé tout exprès pour jouer le rôle d'un héros de roman. Antinous, par la beauté, elle lui a donné en outre une vive imagination, un besoin immodéré de courir à travers les chemins les plus fantasques de la vie et l'instinct de tous les héroïsmes. Aussi, dès l'âge de 18 ans, plein d'enthousiasme pour la cause grecque qui passionnait alors l'Europe entière, il se hâta d'aller jouer son rôle dans cette romanesque révolution et prit sa part de tous les hasards et de tous les dangers de la lutte entre les Hellènes et les Turcs. Faisant la guerre tantôt en guérillero, tantôt en marin, tantôt en diplomate, il vit de loin ou de près les individualités brillantes, vrais météores, qui illuminèrent la guerre de l'indépendance. Et pour comble de bonheur, un hasard providentiel lui permit de sauver la vie d'une jeune et belle Smyrniote dont il fit naturellement la conquête et qu'il s'empressa d'épouser au premier moment de répit. À peine unie, la passion des voyages emporta le jeune couple dans toutes les cours d'Europe où, grâce à son beau costume Smyrniote et à sa délicieuse figure, la jeune grecque était accueillie avec enthousiasme. À Moscou, elle plut tellement à l'impératrice, qui s'y trouvait alors, qu'on parla sérieusement de l'attacher à la cour comme dame d'honneur de sa majesté. D'un autre côté, il n'était question, dans tous les salons, que du beau français dont toutes les dames moscovites avaient la tête tournée. Il en résulta, pour lui, une de ces aventures qui éclate dans la vie comme une bombe, ne laissant, comme ces dernières, que des ruines après elles. Comment s'en retira-t-il sain et sauf? C'est ce qu'il ne peut expliquer lui-même, tant le danger fut terrible. Tous deux vinrent se réfugier à Paris, où le mari tâcha de se créer une position stable bien nécessaire après tant de temps gaspillé à courir le monde. Mais sa bonne étoile lui fit défaut, et un beau jour, il s'estima fort heureux d'accepter les fonctions de professeur de français à Taganrog, que le gouverneur de cette ville lui fit offrir par l'intermédiaire d'un de ses amis. Qu'on habille le corsaire Manfred en procureur, et ce travestissement ne paraîtra pas plus étrange que celui du brillant cosmopolite en pédagogue. La destinée a de bizarres caprices en confinant ainsi au bord de la mer d'Azov deux êtres qui réalisent par leur beauté les types les plus charmants de la poésie et du drame. Madame de V, avec ses grands yeux d'humble sombre, sa peau mate, ses cheveux d'un noir noir et sa petite veste grecque rouge et or, me faisait songer à Zuleika ou toute autre héroïne de Byron, tant elle résumait dans sa personne le charme attrayant des Levantines. Quant à son mari, je ne puis mieux le comparer qu'au Djaour d'Harry Schaeffer. Lorsque nous fîmes leur connaissance, il y avait environ 2 ans qu'il s'était établi à Taganrog. Monsieur de V pouvait avoir 40 ans, ainsi que sa femme, mais on leur en eût donné à peine 30 à l'un et à l'autre. Toute notre colonie dans cette ville se compose du docteur Meunier, chargé des fonctions de consul, de la famille de V et d'une dame provençale qui tient au pensionnat. Ce docteur Meunier est encore un personnage exceptionnel qui a passé je ne sais combien d'années au service du Shah de Perse. Il en a rapporté l'ordre du soleil, magnifique crachat, plus brillant que la plaque d'un grand croix. Son imagination garde comme un reflet du soleil d'Orient, tant elle est vive et féconde. Aussi, l'aimable docteur est-il d'un commerce précieux pour quiconque aime à donner à la folgulogie la clé des champs. Ses récits, pleins de pittoresques et de merveilleux, ressemblent à une page des Mille et Une Nuits. À mesure qu'il s'anime, on voit passer devant soi, comme dans un kaléidoscope, des palais d'or et d'azur, de gracieuses almées, des villes ruinées de fond en comble, des tours de têtes humaines, des princes aveugles et mendiant leur pain, des derviches tourneurs ou hurleurs, une modiste parisienne faisant des éducations persanes, un luxe effréné à côté de la plus affreuse misère, tout ce qui émeut, séduit, passionne ou épouvante dans cet Orient plein de contrastes. Mais l'aimable voyageur devrait s'en tenir à la simple prose et ne pas remplir son portefeuille de bouquets à Chloris et d'épîtres aux amis comme un bon bourgeois de la rue Saint-Denis. Le premier salon de Taganrog est sans conteste celui de M. Jems, frère du consul général d'Odessa. Nous retrouvâmes en lui toutes les aimables qualités et le tact parfait de son frère. Lorsque les Anglais peuvent se débarrasser de la roideur qu'on leur reproche à juste titre et surtout de leur orgueil immodéré, ce sont peut-être les gens les plus agréables qu'on puisse voir dans l'intimité. toutes leurs bonnes qualités cachées sous le voile de la froideur apparaissent soudain et l'on découvre en eux un grand esprit d'observation et d'analyse, une profonde instruction, une dignité réelle dans la manière d'agir et surtout une bonhomie d'autant plus séduisante qu'ils la dissimulent avec un grand soin. En passant en revue la bibliothèque anglaise, française et allemande de M. Yams, ainsi que les journaux de tous les pays qui couvrent les tables, il serait difficile de se croire aux confins de l'Europe. Le journal des débats, le Times, la Gazette d'Augsbourg vous mettent au courant des affaires de l'Europe, tout comme si Paris et Londres n'étaient pas à 1000 lieues de la mer d'Azov. On ne saurait se figurer combien la vue d'un salon rempli ainsi de livres, de cartes, de journaux, d'individus parlant votre langue, mais d'abord d'incohérence dans les idées. On se demande très naïvement ce que sont devenus les jours et les nuits passées à courir la poste. L'immense étendue de mer que l'on a sillonnée, les lieux, les contrées, les climats que l'on a jetés entre soi et la patrie. Avec les progrès que fait chaque jour la civilisation, les distances deviendront bientôt nulles, car la distance n'existe pas dans une différence de longitude, mais bien dans la diversité des mœurs et des idées. À Taganrog, je me sentais certainement plus près de la France que dans maint canton de la Suisse ou de l'Allemagne. La veille de notre départ, nous assistâmes à une course de chevaux qui n'eut d'intérêt à nos yeux que par le nombre et la variété des spectateurs. Là, nous commençâmes à apercevoir quelques Kalmouks venus à la foire pour vendre leurs chevaux, dont la race est fort estimée dans toute la Russie méridionale. Les traits mongols et l'aspect sauvage de ces adorateurs du grand lama n'avaient, il faut en convenir, rien de bien séduisant, et en les voyant regarder avec méfiance et dédain ceux qui les entouraient, en les entendant jeter de grands cris chaque fois qu'un cheval passait rapidement devant eux, je ne pus m'empêcher d'éprouver quelque appréhension à l'idée que bientôt j'irais leur demander l'hospitalité. La population de Taganrog, composée en grande partie de Grecs et d'Italiens, rappelle à s'y méprendre les villes du Levant. Au milieu du brouhaha qui nous poursuivait partout, nous avions de la peine à nous croire en Russie, où d'ordinaire le peuple fait le moins de bruit possible pour que l'écho de sa voix n'aille pas jusqu'à Pétersbourg. Les Grecs, quoique soumis au régime impérial, sont moins circonspects et ont conservé, sous le ciel froid du Nord, la vivacité et le caractère inquiet qui distinguent leur race. Nous admirâmes ce jour-là une foule de jeunes femmes grecques, aux yeux noirs, à la taille élégante, qui attiraient tous les regards. Un cordon d'équipage entourait une partie de l'enceinte destinée à la course, permettant de passer en revue tout ce que Taganrog et les environs possèdent de familles aristocratiques. Nous vîmes de véritables toilettes de bal, de manches courtes et des coiffures en cheveux ornées de fleurs. Un soleil dévorant, joint à des tourbillons de poussière qui paraîtraient fabuleux dans tout autre pays, eurent bientôt flétri toutes ces fraîches parures et chassé la plupart des spectateurs. Nous ne fûmes pas les derniers à aller chercher un refuge dans les allées couvertes d'un bazar voisin où des sorbets à la glace et de délicieuses pastèques nous furent servis dans un café arménien pour la valeur de quelques copecs. Fin du chapitre 3.